Chapitre 5e. La maison extraordinaire. Martin Numa occupait toujours l'appartement de la rue Lepic, où depuis de longues années il avait installé son chez-soi à son goût et pour les besoins de sa profession. Dans son grand bureau, lorsqu'il y entra ce matin-là, se trouvaient Prosper et Philippe. Il m'y avait donné rendez-vous également. Il avait à peine dormi 3 heures. Martin Numa avait passé toute la nuit dehors et s'était fait réveiller par Prosper ce matin seulement, quand celui-ci était venu le voir. Il pénétra donc dans son bureau en robe de chambre, et après nous avoir serré la main, il s'assit dans son grand fauteuil et se disposa à écouter le rapport de ses deux lieutenants. Martin Numa avait, nous nous en souvenons, aperçu par un de ces hasards qui sont une des forces de la justice, avait aperçu, dis-je, une jeune femme brune pénétrée chez le négociant en reconnaissance du Mont-de-Piété, M. Basilesco. Cette jeune femme rappelait d'une façon très marquée la tête qui se trouvait sur la carte postale trouvée dans le bureau des lois Vidal. Martin Numa s'était mis en observation à la croisée d'un hôtel faisant face à la maison du marchand de reconnaissance, et il ne devait pas tarder à voir la jeune femme et M. Basilesco s'en aller vers la rue de la Victoire. Il avait placé dans cette rue Prosper en observation, de même qu'il avait posté dans la rue de Provence, devant le magasin de meubles, Philippe. Les deux agents, ce matin, venaient rendre compte à leur chef du résultat de leur surveillance quotidienne. Philippe apprit à Martin Numa que, comme tous les jours, le marchand de meubles et sa femme, ayant laissé un petit commis dans le magasin, étaient allés chez M. Armand, marchand d'antiquité, rue de la Victoire. Ils restèrent là, dans l'arrière-boutique, pendant assez longtemps. Quand ils en sortirent, à la nuit, l'homme et la femme regardèrent, avec des yeux inquiets, de chaque côté de la boutique avant de descendre sur le trottoir. « Évidemment, dit Philippe, ces gens redoutent quelque chose. Ils cherchent à voir si dans la rue sont postés sinon des agents en uniforme, trop visibles, du moins des gens à allure suspecte. Puis ils s'engagent sur le trottoir et regagnent leur magasin, toujours suivis à distance raisonnable par moi. « C'est bien, dit Martin Numa. Et c'est tout ce que vous avez constaté ? Pardon, j'ai remarqué que la jeune femme brune pénètre dans le magasin de meubles, à l'heure du déjeuner, qu'elle y prend son repas, et qu'elle n'en sort que vers 1 heure avec un rouleau de musique à la main. Et alors ? Alors j'ai cru bon de laisser la boutique du marchand de meubles et de m'engager sur la piste de la jeune femme. Oui, dit Martin Numa, vous avez une bonne idée. Puisque Prosper surveille la boutique du marchand d'antiquité, vous avez bien fait de suivre la jeune femme et de voir où elle allait. Il ajouta « Je savais qu'elle se rendait tous les jours à cette heure-là dans un music-hall de la rue Fontaine, où son nom figure sur l'affiche comme commère d'une revue qui se joue là. Cette jeune femme s'appelle Gabrielle de Bellery. Oui, chef, cette Gabrielle de Bellery passe pour être la fille du petit boutiquier, marchand d'antiquités. Elle mène d'ailleurs une vie assez régulière, habitant chez ses parents, ne sortant que pour aller à son théâtre, rentrant à des heures très raisonnables, la représentation finie, après avoir été parfois, mais rarement, avec des camarades, des auteurs, des journalistes, souper rapidement, prendre une coupe de champagne dans un établissement situé non loin de ce théâtre. Très bien, après. J'ai vu souvent la jeune femme partir de chez son père et faire le trajet jusqu'à la cité d'Antin, où vous l'avez vue, chef, entrer chez M. Basilesco. Quant à moi, dit Prosper, j'ai pu contrôler de mon côté que la jeune femme dans le quartier garde une réputation assez bonne. Que quoique artiste de café-concert, quoique commère de revue, on la croit de conduite régulière, ainsi que vient de vous le dire mon camarade Philippe. Ensuite, j'ai vu que M. Armand, son père, le marchand de meubles, M. Pouillot et M. Basilesco, tous les après-midi, se retrouvaient aux environs de la salle des ventes, où ils se livraient à leurs opérations d'achat et de vente de meubles ou de bijoux. Ces trois personnages ont l'air de très bons petits négociants dont le type est très connu à Paris. Mais j'ai été surpris de constater que, le soir venu, lorsqu'après dîner les boutiques étaient fermées, ces trois bons hommes se réunissaient à la brasserie genevoise, qui se trouve à l'angle de la rue Thébault, qu'ils faisaient là de longues parties de jacquet jusqu'à 1 heure assez avancée. Parfait. Après, au moment de la fermeture de l'établissement, ils s'en vont, non pas chacun chez soi, mais tout en ayant l'air de se séparer et de se dire au revoir devant l'établissement, ils partent, qui sur le même trottoir, qui sur la chaussée et qui sur le trottoir opposé et se dirigent en somme du même côté. Très bien. Parfois, d'autres personnes viennent les rejoindre, d'autres négociants. Ils se rendent alors discrètement dans une maison qui se trouve dans la cité Milton. J'ai constaté que cette maison a cette particularité de n'avoir pas de concierge la nuit, ou plutôt d'en avoir un dans la journée, mais qui cesse ses fonctions à partir de 11 heures, c'est-à-dire que l'on entre dans la maison en ouvrant la porte du bas avec une clé. Martin Numa écoutait avec grand intérêt le récit de ces deux agents. Il dit à Prosper « Cependant, dans cette maison de la cité Milton, il n'y a pas que des locataires entrant avec une clé spéciale, car j'ai vu là des gens tirer la sonnette et la porte s'ouvrir de l'intérieur. » « En effet, répondit Prosper, j'ai vu aussi des locataires, car cette maison a des locataires comme tout immeuble de Paris, entrés par ce moyen, mais je vous signale le fait parce qu'il est assez rare de voir des gens entrer dans la maison sans sonner, en ouvrant la porte du bas avec une clé particulière. » « Il faudra, dit Martin Numa, que nous sachions pourquoi. » Et il demanda ensuite, « Qu'avez-vous remarqué en outre, mon cher Prosper ?»« J'ai remarqué que ces gens, ces trois bons hommes dont nous parlons, et d'autres personnes de leurs amis qui entraient par ce moyen particulier dans cette maison, n'en sortaient pas. C'est-à-dire qu'une fois entrés là, je ne les voyais jamais sortir. Ah, et le lendemain ? Philippe et moi, nous retrouvions le lendemain matin nos trois individus mystérieux, Armand, Pouillot, Basilesco, frais et dispos dans leur boutique, recommençant leur vie habituelle, attendant patiemment la pratique, et menant cette vie paisible et tranquille de gagne-petit, sans ambition et sans remords. » Martin Numa eut un sourire. « Mon cher Prosper, vous avez dû vous dire que, du moment que ces gens entraient dans cette maison et n'en sortaient pas, et que cependant vous les retrouviez le lendemain dans leur bureau, il fallait que cette maison eût deux issues. En effet, chef. Mais avez-vous trouvé cette issue ? Non, je ne l'ai pas trouvée. J'ai fait le tour de l'immeuble, j'ai prié Philippe de me seconder, nous avons cherché dans les maisons voisines. Sous divers prétextes, nous avons été visiter les tuyaux des eaux de gaz en venant de la part de la ville, de la part de la compagnie du gaz et de l'électricité. Nous avons visité tous les meubles et nous n'avons pas trouvé l'issue. « Cependant, elle existe, » dit Martin Numa, et il ajouta, « Quant à moi, j'ai été prendre les plans de cette maison. » J'ai été vérifier sur le plan de la ville de Paris des canalisations souterraines, des égouts et des conduites d'eau, de gaz, d'électricité, le sous-sol de ces immeubles. Et j'ai vu ceci, c'est que l'issue de cette maison est tout bonnement merveilleuse. Se tournant vers moi, Martin Numa ajouta, « Vous, mon cher Courville, vous connaissez votre Paris admirablement. Vous devez savoir qu'autrefois, de la butte Montmartre, coulait un filet d'eau, s'en allant rejoindre, près de la rue de Roux actuelle, le cours des Poissonniers, qui se trouve encore sous Paris, et va se jeter au pont de la Concorde. Ce filet d'eau n'a jamais été épuisé, on s'est contenté de le canaliser, et il aide à la chasse d'eau du grand collecteur. Parfaitement. Mais la conduite dans laquelle il est aménagé, canalisé si vous préférez, est assez vaste pour permettre à un homme de passer, de la visiter, de la parcourir dans toute sa longueur, et par un crochet, un détour, elle va aboutir à un regard ouvrant près de Notre-Dame de Lorette. » Martin Numa, dans un geste qui lui était familier, se gratta le menton et cligna un peu de l'œil, puis il ajouta « Or, depuis quelques jours, il semble qu'on fait beaucoup de travaux dans le quartier de Notre-Dame de Lorette, et vers 2 heures du matin, régulièrement, deux égoutiers viennent ouvrir ce regard. » Prosper et Philippe dirent qu'en effet, ils avaient remarqué cela. « J'ai remarqué un peu plus, » dit Martin Numa, « car j'ai constaté que si deux égoutiers ouvraient la trappe très lourde qui ferme ce regard, si l'un d'eux descendait par les échelons de fer et disparaissait dans le sous-sol pendant assez longtemps, quand il reparaissait à la surface, il n'était plus seul, mais 3 ou 4, parfois 5 individus l'escortaient, tous habillés en égoutiers. Ah, nous comprenons. Or, si, dans l'écriture, on nous parle de la multiplication des pains, il faut admettre que quelques diables opèrent, dans les dessous de l'église de Notre-Dame de Lorette, la multiplication des égoutiers. Très amusant. Comme je suis peu sensible aux attraits du merveilleux, j'ai plutôt admis cette version que ces 4 ou 5 individus qui sortent du regard de l'égout, avec leurs grandes bottes d'égoutiers et leurs lampes, sont tout bonnement les gens qui entrent par la porte de la maison de la cité Milton. J'écoutais avec la plus grande surprise le récit que Martin Numa nous faisait avec son habituelle simplicité, et j'admirais cet homme à l'esprit ingénieux et ouvert à qui rien n'échappait et qui parvenait à soulever le voile du mystère dont s'entouraient les plus adroits coquins. Il était évident que des gens qui se pliaient à de tels travestissements et passaient par de tels chemins n'avaient pas des intentions honnêtes et des idées pures. Martin Numa, de même que nous tous, avait la conviction déjà qu'il s'agissait là d'une bande fortement organisée qui ne devait pas en être à son coup d'essai. « Je crois en effet, dit Martin Numa, que la disparition des lois Vidal nous a amenés à trouver le fil d'une affaire des plus importantes. Nous allons, je l'espère, marcher de surprise en surprise, et je ne serais pas étonné si, d'ici quelques jours, il y avait un gros événement qui tiendra en haleine tout Paris et la France entière. » Martin Numa dit alors à Prosper, « Vous allez, mon bon Prosper, monter sur le siège de la voiture qui va tout à l'heure sortir du garage que nous avons rue Costou. Vous conduirez en bon chauffeur l'employé de magasin qui se trouvera dans la voiture, avec caisse et paquet d'hiver, dans la rue Milton, au bas de la cité Milton. Vous surveillerez tout doucement cette maison. Dans la rue, un camelot criera les numéros gagnants d'une des dernières loteries et sera prompt à vous prêter main forte si besoin est. De même qu'un balayeur nettoiera consciencieusement cette rue, laquelle sera fortement étonnée de se voir astiquée ce jour-là, et que deux agents se promèneront comme de braves gens, d'un pas paisible et lent, le long de la rue Milton, prêts à courir au premier appel et obéir, sans en avoir l'air, aux ordres que nous lui donnerons. » Et se tournant vers moi, il ajouta, « Vous, mon cher Courville, par le plus grand des hasards, vous passerez par cette rue et vous mettrez à la poste qui s'y trouve, ou plutôt, vous libellerez dans la poste un long télégramme qu'il ne sera pas nécessaire d'expédier, mais vous serez là, afin d'accourir tout de suite si vous entendez le moindre bruit dans la rue pour faire un beau reportage. » Je n'eus garde de manquer à cette sorte de consigne. Je m'étais fait, en effet, un devoir d'obéir à Martin Numa aussi passivement, aussi rapidement et aussi scrupuleusement que ses seconds Prosper et Philippe, et en somme, tous ceux de sa brigade. C'était le seul moyen pour ces hommes de ne pas faire manquer une affaire préparée minutieusement par le chef, et le moyen pour moi de ne pas manquer un bon reportage et de ne pas entraver l'action à laquelle on voulait bien me laisser assister. À l'heure dite, je passais donc rue Milton. Ayant l'air d'un bon flâneur, mes journaux à la main, m'attardant à regarder les gravures pendues à la vitrine d'une petite librairie, examinant les devantures remplies de bibelots des marchands, enfin m'ingéniant à mettre le plus de temps possible pour descendre depuis la rue de la Tour d'Auvergne jusqu'à la rue Lamartine. Je vis arriver la voiture de livraison rue Milton. Un livreur en descendit, portant une grande boîte et un paquet bien ficelé dans du papier d'emballage. Le livreur regarda les numéros des maisons, puis entra dans la fameuse maison signalée par Prosper, laquelle avait un concierge le jour et le soir n'en avait plus. Cette concierge était une bonne grosse femme à la figure rouge, au nez fleuri. Elle était asthmatique et ressentait fréquemment des attaques de gouttes. Dans un large fauteuil, elle sommeillait quand le garçon livreur se présenta. Après s'être excusé de la déranger, il lui demanda le nom d'un locataire. La concierge répondit au livreur que cette personne était partie depuis le terme dernier et qu'on n'avait pas sa nouvelle adresse. Le livreur se trouva fort embarrassé. Il dit « Au magasin, on n'a pas dû comprendre ce que ce client a dit, et il a oublié de donner sa nouvelle adresse et on m'a envoyé à l'ancienne, qui est cette maison avec ce paquet et cette boîte. Dites-moi si, parmi vos locataires, il n'en est pas un qui puisse me donner une indication sur la nouvelle demeure de votre ancien locataire. » La concierge se gratta la tête pour en faire jaillir une idée rebelle et dit qu'elle ne voyait pas trop dans sa maison qui pouvait donner le renseignement que lui demandait le livreur. Cependant, par obligeance pour le livreur, elle consentit à le laisser monter jusqu'au troisième, l'engageant à y demander M. Edmond, qui connaissait le locataire absent. Le livreur, après avoir remercié la concierge, monta chez M. Edmond, mais il se trompa d'étage, sonna au deuxième. On vint lui ouvrir. La personne qui vint lui ouvrir était une jolie jeune femme, très brune, qui se disposait à sortir et qui, très aimablement, dit au garçon livreur que M. Edmond demeurait au-dessus. Le livreur s'excusa de son étourderie, disant qu'il était fatigué de monter tant et tant d'étages depuis le matin et qu'il avait perdu la mémoire en route, qu'il avait pris le deuxième pour le troisième, que cela ne suffisait pas pour diminuer les étages en vérité. La jeune femme sourit, montrant l'éclat de ses dents blanches, puis referma la porte. Mais le livreur, pendant cette courte entrevue, avait reconnu dans cette jeune femme la jolie Gabrielle de Bellerie. Quant à M. Edmond, il ne put donner au garçon livreur aucune indication. Celui-ci s'en souciait peu. Il avait vu ce qu'il voulait voir, c'est-à-dire qu'il connaissait maintenant la disposition de la maison. Il avait remarqué qu'auprès de la loge de la concierge se trouvait un petit couloir, et que par ce couloir vitré, on apercevait une sorte de courette, assez obscure d'ailleurs, avec divers communs. Il pensa que par ces communs, on devait pénétrer dans les caves, et que, de ces caves, il était facile de passer dans le canal aboutissant derrière l'église Notre-Dame de Lorette, car le garçon livreur n'était autre que Martin Numa. Il avait constaté, en outre, la présence à cette heure de la jeune femme brune, fille de M. Armand, la commère du music-hall, dans cette maison suspecte, et il remonta en voiture sans susciter d'incident et se fit reconduire. La voiture partit, abandonnant la rue Milton. J'étais arrivé, moi, pendant ce temps, dans le bureau de poste qui se trouve à l'angle de la rue Milton et de la rue Lamartine, et consciencieusement, je me mis à rédiger un télégramme assez long. Lorsqu'un monsieur vint se mettre à côté de moi et prit de l'encre de l'encrier qui se trouvait devant moi en disant « Je vous demande pardon, monsieur Courville, mais deux mots à écrire et ce sera tout. » Je regardais ce personnage que je ne reconnus pas tout d'abord et je vis qu'il écrivait d'une assez forte écriture sur son papier ces mots de telle façon que je puisse les lire. « Vous pouvez rentrer, l'affaire est terminée, le patron vous verra plus tard. » Et il signa « Philippe ». J'avais trouvé un pneumatique en rentrant chez moi, me disant de monter prendre une tasse de thé vers 5 heures chez Martin Numa. Je n'eus garde de manquer de m'y trouver. Martin Numa me dit qu'il avait maintenant la conviction que cette maison était au service de la bande dont il venait de faire la découverte. Il prévoyait des ramifications très nombreuses à cette bande, et il m'annonça une série d'affaires qui ne devaient pas manquer d'intérêt. Comme nous discutions et parlions de ces événements dont il me donnait le détail, on sonna chez Martin Numa. Peu après, le domestique présentait une carte à son maître. Martin Numa la lut, « Madame Marc ». Et il dit, « Je ne connais pas cette personne, qu'est-ce qu'elle veut ?» Le domestique répondit, « C'est une dame d'aspect respectable qui demande à voir M. Martin Numa pour une affaire urgente. » Martin Numa, après un moment de réflexion et avoir tourné et retourné la carte dans ses mains, répondit, « Madame Marc, faites-la entrer ici. »